Allô? Allô, bonjour. Bonsoir Mathilde. Bonsoir. Prête? Je suis prête. Peut-être qu'on attend Je vais quand même commencer par mon introduction, puis les auditeurs Oui. viendront quand ça leur chantera, on va dire. Donc, bonsoir, bienvenue dans Beauté Imaginée. Je m'appelle Alice, je suis passionnée par l'univers de la beauté et je travaille d'ailleurs dans le secteur des cosmétiques. Et ici, dans mes podcasts, tu le sais Mathilde, je vais m'intéresser au rapport qu'entretient mon invité avec la beauté et à sa façon d'imaginer la beauté finalement. Vous, de votre côté, futurs auditeurs, vous allez l'imaginer aussi. C'est la force en fait de l'audio. Et si ça vous dit d'être mon prochain invité, n'hésitez pas à me contacter. Donc ce soir, c'est Mathilde qui est avec moi pour cette deuxième conversation live sur ma chaîne stéréo. Merci Mathilde d'être avec moi. J'espère que tu es prête à parler de toi et à parler de tes cheveux. Bien sûr, merci de me recevoir. Alors Mathilde, on va commencer avec la rubrique Qui es-tu selon la presse féminine? Est-ce D'accord. que tu fais de temps en temps des tests de beauté ou des tests dans les magazines féminins? Ça m'arrive à peu près jamais, je pense. Mais D'accord. bon, c'est cool. Eh bien, c'est parti. Là, du coup, pour rester dans le thème, on va faire un test qui permettra de définir la coupe qui sera parfaite pour toi, issue de D'accord. 100% féminin. Alors, Mathilde, le matin, combien de temps passes-tu à te coiffer? Moins de 10 minutes, moins de 2 minutes, ou tu ne comptes pas du moment que c'est parfait? Je dirais moins de 10 minutes quand je me lâche les Moins cheveux et de 10 minutes. sinon 30 secondes. Ça peut même ne pas être que le matin, c'est à tout moment de la journée dans ce cas-là. Oui, voilà. Quelle est la morphologie de ton visage? Rond, ovale ou carré? Je dirais carré, je pense. Carré. Troisième question. Quelles sont tes activités sportives? Pas grand-chose, si ce n'est un petit footing par-ci par-là. Des entraînements intensifs ou de la danse? Je dirais la première réponse en ce moment. D'accord. Pour te connaître plutôt pas mal, j'aurais dit des entraînements intensifs si on regarde sur la moyenne de l'année, mais Oui, ok. ouais. Oui, c'est vrai que ça correspond plus à ce que j'aimerais comme cheveux, en tout cas, je pense. Oui, Ouais. a priori, ça Oui. sera plus facile à coiffer que si tu dis que tu fais jamais de sport. Mais bon, Oui. on va voir. Quand tu vas chez le coiffeur, c'est plutôt pour couper tes pointes abîmées, tu n'y vas jamais. Ou c'est pour refaire ta couleur ou changer complètement de tête. Là, récemment, c'est pour plutôt pour juste pour les couper les pointes. Mais ça, avant, je faisais pas mal de couleurs et tout, mais D'accord. depuis le début de l'année scolaire, j'en fais plus. Enfin, même depuis un an, je pense, j'en fais plus. D'accord. Depuis le confinement, ça a un lien ou pas du tout? Je sais plus, mais oui, c'est possible. Enfin, oui, parce que du coup, ça a plus laissé ma couleur naturelle repousser et je me suis rendu compte que c'était peut-être mieux Ouais. qu'une couleur se délaver, on va dire, au fil du temps. Ouais, je vois. Hop. Et d'ailleurs, de quelle couleur sont tes cheveux roux, brun, blond? Ils sont châtains, je dirais. Oui, châtains. On va partir sur le brun, j'imagine que c'est ce Ah qui. oui, En caricaturant. pardon. J'essaie de voir si je suis, comment j'analyse le châtain. Combien de Oui. fois vas-tu chez le coiffeur? Enfin, à quelle fréquence plutôt vas-tu chez le coiffeur? Tous les 3 mois, jamais, ou tous les mois, voire toutes les 2 semaines, si tu as une couleur à refaire? Tous les 3 mois. Tous les 3 mois. Quels sont les outils de coiffage que tu utilises? Un fer à lisser pour ta frange, quelques élastiques, une brosse? Ou une panoplie de produits cosmétiques, une pince à friser, une pince à lisser, des brosses différentes, des bijoux de cheveux. Je dirais quelques élastiques et brosses. D'accord. Avec quoi tu te laves les cheveux? Un shampoing parfumé que tu as acheté au supermarché? Un shampoing solide 100% naturel pour épargner à tes cheveux les éventuels produits chimiques, etc. Et en même temps, tu penses à la planète. Ou un shampoing professionnel haut de gamme que tu as acheté chez ton coiffeur. En ce moment, j'utilise un shampoing solide, donc naturel. D'accord. Plutôt pour tes cheveux ou plutôt pour la planète? C'est quoi ta motivation? Bah, à l'origine, c'était plus pour la planète, mais je me rends compte que je crois que je préfère aussi pour mes cheveux, donc Ouais. c'est d'une pierre deux coups, on va dire. Ouais, c'est ça. Avant-dernière question, Mathilde, quelle est ta routine avant et après le shampoing? Tu te laves les cheveux puis tu appliques un masque une fois par mois avant de les sécher au sèche-cheveux vite fait. Tu les laves avec du shampoing s'ils sont sales, autrement c'est le shampoing sec, ça fait l'affaire. Puis tu les sèches simplement avec une serviette. Ou tu appliques une huile spéciale avant de passer sous la douche. Tu fais ensuite deux shampoings, tu appliques ton après-shampoing avant de réaliser le brushing, sans oublier bien sûr ton sérum protecteur. Alors, c'est pas facile parce qu'il n'y en a aucune qui correspond vraiment, mais je dirais la Mmh. première par défaut. Tu fais les masques plus souvent peut-être? Oui, voilà. Dernière question pour sauver peut-être le résultat. Quelle est la coiffure que tu préfères réaliser? Quelques barrettes et hop, le tour est joué. Une queue de cheval ou un brushing lissé volumineux sur des cheveux lâchés? Je dirais le deuxième, une queue de cheval. Je sais pas si ça va sauver grand-chose. Mais... On va voir. Alors, c'est une coupe mi-longue qu'il te faut. Vous êtes facile à vivre, féminine, sans pour autant vous compliquer le quotidien avec un rituel beauté qui vous demanderait trop d'efforts. Cela dit, vous aimez être coquette sans en abuser. Vous avez un lisseur dans votre vanity, vous appréciez de temps en temps à appliquer sur vos longueurs de l'huile parfumée. Votre coupe de cheveux idéale est celle qui exhalera votre féminité sans vous entraver. Une coupe mi-longue en cascade. Ça, au vu de la photo qu'il me propose, ça semble peut-être un dégradé inversé, par exemple. Quelques Oui. reflets naturels, les cheveux longs vous iront aussi, mais sans excès. Est-ce que tu peux nous dire si ça correspond à tes cheveux à toi actuellement? Bah, je pense en ce moment j'ai une coupe je dirais mi-longue au-dessus des épaules D'accord. quoi et je suis bien d'accord sur le fait qu'il faut pas que ça entrave mon quotidien donc C'est le grand point. ouais. Donc c'est pratique. Cette longueur est plus pratique pour ça, je dirais. Ouais, je vois. Bon, bah, donc c'est plutôt. C'est pas déconnant, ce petit test. Voilà, si tu veux, tu pourras aller te faire un petit carré inversé prochainement. Super. Alors, maintenant, Mathilde, on va passer à la rubrique Qui es-tu selon tes habitudes de beauté? Donc, on va échanger un peu sur ton expérience autour de la beauté et on va s'intéresser aussi aux cheveux puisque c'est le thème du jour. Toi, ta routine beauté, du coup, c'est quoi? Ma routine beauté. Donc, que pour les cheveux ou en général? En général, déjà. Alors, ça va pas être délirant. Alors... du coup, je vous donne tous les détails. Déjà, je me douche. Ensuite, donc j'utilise mon du shampoing solide. Ouais. Je le fais, enfin, je fais deux shampoings. Parce qu'on m'avait conseillé de faire ça. Ensuite, je mets systématiquement un masque pour les cheveux pour que mes cheveux soient plus doux. D'accord. Et ensuite, dans la douche, je me mets du gommage sur le visage. Et après, une fois que je sors, je mets de la crème pour le visage Plutôt une crème je mets hydratante, c'est ça? une crème hydratante, voilà. Ah, Et c'est classique. ouais, c'est classique. Je crois que c'est tout, hein. D'accord. Et la dernière fois, Juliette, notre invitée, avait parlé de l'eau micellaire qui était pour elle son produit vraiment phare. Toi, qu'est-ce que tu utilises comme nettoyant pour ton visage? Est-ce que tu te nettoies le teint, entre guillemets, ou pas spécialement? J'utilise du comment ça s'appelle de je crois que c'est de l'eau, enfin je sais pas si c'est de l'eau démaquillante mais je sais D'accord. plus. Donc c'est peut-être une eau micellaire aussi. Juliette Oui, aussi avait eu du mal à trouver le bon terme. bah je crois pas que ça s'appelle comme ça mais bon ça c'est équivalent quoi. Ouais, je vois. D'accord, ouais, bah c'est vrai que souvent c'est un peu un incontournable de la trousse de toilette pour le teint. Est-ce que toi, le confinement a eu un impact sur ta routine beauté, tu dirais? Non, j'ai pas l'impression parce qu'elle était déjà assez limitée, on va dire, avant. Et bon, du coup, ça c'est à peu près pareil. Peut-être que je me maquille encore moins qu'avant. Oui, d'accord. Oui, de toute façon, tu t'aimes bien faire sobre et que ce soit pratique avant tout, quoi. Oui, voilà. Tout ça nous donne des indices sur ton profil, puisque je rappelle que nos éditeurs dans Beauté Imaginée doivent, pourquoi pas, se positionner sur ton âge, ta profession aussi. La dernière fois aussi, dans notre thèse beauté avec Juliette, on avait évoqué la marque VTT Balls. Je voulais vérifier si cette marque existait. Et c'est bien une marque qui propose des produits formulés avec des actifs de légumes. Est-ce que toi, c'est un argument marketing qui te séduit? Oui, ça me donnera envie d'essayer. Ouais. Mais sans Par plus, faut pas exagérer, curiosité. mais je trouve ça original et je trouve ça bien qu'il y ait des produits dérivés comme ça, plus naturels et plus simples, on va dire. Ouais. Ah, nous avons une intervention de Hugo. C'est du coup en beauté, mais... D'accord. Bon, je n'ai pas tout compris, mais merci Hugo. tu as compris quelque chose ou je pense que c'était... Non, j'ai pas compris. Est-ce qu'il y avait une question cachée du go, bon, on ne le Je pense saura pas. peut-être pas ce soir. c'est quoi le dernier produit cosmétique que tu as acheté? C'est une amie justement qui m'a racheté un shampoing solide. Je sais pas si c'est vraiment cosmétique, Ah oui? mais Ouais, ouais. si, d'accord. Et Soldable, ouais. c'est du coup ça te... C'est un peu la découverte que tu as faite récemment, c'est ça? Oui, bah je pensais que j'aimerais pas et que je préférais les shampoings bien chimiques Ah oui, ouais. d'avant, mais en fait je me rends compte que c'est assez pratique et au final ça correspond à mes cheveux, j'ai l'impression. Ah ouais, d'accord. Ça, ouais, c'est plutôt, ça a plutôt un bon effet. Ouais. C'est vrai que parfois on Ouais. peut avoir tendance à imaginer que tout ce qui est synthétique, enfin synthétisé en laboratoire, etc., ça pourrait avoir des résultats plus travaillés, entre guillemets, puisque ça a été vraiment recherché, etc. Mais le naturel, quand même, est très à la mode et pour cause, ça donne de bons résultats aussi. Et Ouais. là, tout de suite, est-ce que tu es maquillée? Non, je ne suis pas maquillée. D'accord, donc toi, ton seuil niveau maquillage, ça se situe où entre emporter, même pour ouvrir ta fenêtre, et n'emporter qu'aux événements comme des mariages, par exemple? Alors, je dirais que un jour sur trois, je mets du mascara. Enfin, quand je vais en cours ou quand je vais voir des gens et tout. Mais sinon, Ouais. maquillage plus que ça, c'est vraiment rare que pour des soirées ou des événements, ouais. D'accord. Donc oui, c'est ça reste assez occasionnel Oui, au-delà voilà. du mascara. Ouais. Alors, j'aimerais que tu nous fasses rire en nous racontant une grosse erreur que tu aurais faite avec des produits de beauté mal utilisés, si tu as quelque chose. Je me souviens, je devais avoir peut-être 4 ans. C'est ma grande sœur qui m'a raconté ça, je me souviens plus vraiment. Mais j'avais Ouais. mis du vernis. Bon, je pensais pas que c'était du vernis. Et du coup, je me l'étais appliqué comme mascara, donc sur les Oh cils. là là. Et c'était pas. Bah, ça a pas eu le résultat escompté, on va dire. Ah là là, l'horreur. Donc j'imagine que t'as hurlé, enfin tu t'as oublié Bah, ça, tellement c'était douloureux. je m'en rappelle plus, mais ouais, ça devait pas être génial. Ah ouais, c'est sûr. Il y a mieux comme mélange. Oh. Récemment aussi, je crois que j'avais la peau très très sèche. J'ai encore demandé à ma grande sœur une crème pour Ouais. le visage. Elle m'en a cité une dans sa Ouais. salle de bain. Je suis allée la chercher, j'ai pris la mauvaise. Du coup, Là j'étais encore plus rouge qu'avant. Et là. donc, mais voilà, c'était il y a même pas un an. Donc, je suis D'accord. Et toujours là, pas c'était pas vraiment de sa faute ou elle t'a Non, piégé? c'est de la mienne. D'accord. Toujours. Alors, changement de sujet, niveau esthéticienne, est-ce que toi tu y vas parfois? Oui, je vais chez l'esthéticienne une fois par mois en général. Enfin, oui, une fois par mois. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu attends de ton esthéticienne humainement? Humainement, j'attends qu'elle essaye de voir si ça me fait pas trop mal, on va dire, Ouais. et qu'elle Donc soit ça, qu'elle c'est me pour tout mette ce à qui est l'aise. épilation. Oui, D'accord. voilà, oui, moi, je vais essentiellement pour Plutôt ça. qu'elle Et discute. après, ça me dérange pas si elle discute pas, mais c'est plus ouais, qu'elle me mette à l'aise et qu'elle discute un minimum quand même, que j'ai pas l'impression qu'elle soit de mauvaise humeur ou je sais pas quoi. Enfin, voilà. Oui, je vois. C'est un D'accord. peu des deux. Et qu'est-ce qu'il faudrait que l'esthéticienne fasse pour que tu ne lui donnes aucun pourboire, toi? Alors, il faudrait qu'elle me fasse mal, enfin, qu'elle me fasse. Enfin, que j'ai l'impression qu'elle fasse mal son travail, on va dire, D'accord. et qu'elle soit vraiment désagréable. Mais c'est vrai que D'accord. c'est rare. Donc, si elle fait mal son travail, mais qu'elle est sympathique, ça va, ça compense. Bah oui, ça me ferait de la peine de rien Alors, niveau coiffure maintenant, le coiffeur du coup, toi tu y vas donc tu nous as dit tous les 3 mois. Et pour toi c'est Oui, plutôt un encore. moment agréable ou c'est une nécessité vraiment? Alors, j'ai souvent la flemme d'y aller, on va dire, mais une fois que j'y suis, j'aime bien prendre un shampoing plus profond et tout pour avoir un petit massage et Ah tout, oui. mais c'est plus une nécessité, hein, c'est vrai. Ouais, d'accord. Je crois Je que. crois qu'on a une autre intervention d'Hugo. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'un homme peut aller chez l'esthéticienne? Ah bah oui, tout à fait, hein, Hugo. Il y a beaucoup de salons qui accueillent les hommes, du coup, que ce soit pour des soins visage, l'épilation aussi, ça se développe beaucoup. Donc ouais, tout à fait. C'est largement possible si tu es intéressé. En ce moment, tout est fermé avec le confinement, mais sinon, en temps normal, tout à fait. Alors, Mathilde, quel a été ton pire échec capillaire? Alors, je pense que c'est quand une fois ma grande sœur m'avait coupé les cheveux Décidément. et du coup ouais. C'est un peu ma référence beauté cosmétique, mais je sais pas si ça devrait du coup. Elle Je vais m'avait coupé l'inviter. les cheveux un peu. Elle m'avait coupé les cheveux un peu trop courts derrière, et du coup, pendant peut-être un Oui. mois, j'avais une mèche qui voulait pas venir quand je m'attachais les cheveux, donc c'était pas très pratique. Ah, la loose. Ah ouais. Ok. Sympa. Et t'as réitéré, c'est à nouveau elle, ta coiffeuse. Enfin, elle a Bah, retenté ça par me la suite. dérangerait pas, mais maintenant c'est plus pratique d'aller directement chez le coiffeur et voilà. C'est au moins je peux Est-ce que l'écouter quand je veux et ça la dérange pas. Oui. toi tu t'es déjà coupé les cheveux toi-même du coup? Tu pouvais pas faire Non, pire. j'avais juste retouché une fois après chez le coiffeur, après être allé chez le coiffeur, mais c'était vraiment vite fait. Par contre, j'ai déjà coupé les Ouais. cheveux du ami. D'accord. Et ça va, c'est encore ton amie? Oui, j'ai coupé peut-être 4 ou 5 fois, donc j'imagine que c'est pas trop mal. D'accord. Alors, merci pour toutes ces infos. Maintenant que tu nous as donné un peu ton approche de la beauté, la façon dont tu imagines la beauté, dans Beauté imaginée, chers auditeurs, j'attends que vous nous fassiez des propositions sur, selon vous, l'âge de Mathilde, peut-être sa profession. Voilà, maintenant que vous avez ces informations-là, quelle impression ça vous a donné? Bon, peut-être que tu n'auras inspiré personne ce soir. On va voir si quelqu'un se propose pour nous répondre. Et après, comme ça, tu pourras nous dévoiler ton âge et peut-être des hobbies à toi. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée sur l'âge de Mathilde? Je crois que là, sur nos 6 auditeurs, on n'a pas. On n'a pas On a pas de plus spécialement grand monde. d'idées. Eh oh, chers auditeurs, il serait temps de donner vos pronostics. Ah. Ah, merci Sophie. Ah, nous avons aussi quelqu'un d'autre. Coucou, alors moi je parie pour 20 ans. Est-ce que vous Bonjour, pensez je pense que Mathilde a 30 ans. Ah. Merci beaucoup, les Ça filles, de votre ok, vu que participation. c'est la gênance absolue, je dirais 22. Merci, Hugo, de nous avoir sauvé la mise. Mais comme tu vois, deux autres ont été ra plus rapides que toi. Mais du coup, on a 20 ans, 30 ans et 22. Donc, est-ce que Mathilde, tu peux nous éclairer? Bien, bravo à Sophie, j'ai 20 ans. Ok. Ouais. Top. Et du coup, d'où le côté assez facile, pas de crème pleine d'actifs et tout ça dans ce que tu utilises. Oui, Tu veux que voilà. ce soit avant tout pratique. D'accord. Ah, on a aussi Que Didi qui Alice a intervient. 28 ans et à Mathilde, j'attends encore d'écouter un peu plus sa voix. Oh. D'accord. Merci Didi. Alors, Alors, bien je... joué pour ma part. J'ai exactement 28 ans. je pense qu'elle bosse dans les ressources humaines. Ah. Ah. Notre Merci Juliette super. aussi. Alors, à toi. À toi Mathilde, qui es-tu en partie? Donc, je m'appelle Mathilde, j'ai 20 ans, j'habite en région parisienne et niveau études, donc je ne travaille pas dans les ressources humaines, mais je suis en troisième année de licence en gestion finance et j'aimerais faire un master en finance l'année prochaine. D'accord. Tes hobbies peut-être? J'aime bien le sport, donc c'est aussi pour ça D'accord. que je trouve que les cheveux qui peuvent être attachés et pas trop dérangeants sont pratiques. Et Ouais. sinon, j'aime bien cuisiner et après, bon, bah, sortir avec mes amis et tout quand la situation le permet. Les jeux de société, je crois, tu aimes bien. Oui, j'aime bien aussi. Et du coup, en niveau sport, tu fais quoi? C'est à quoi que tu es la plus forte? Ce que je préfère, c'est, je pense que c'est le vélo, mais ça dépend de la période, quoi. Il faut que le temps s'y prête, on va dire. Ouais, c'est sûr. Là, ça y est, tu vas pouvoir réutiliser ton vélo très Oui. bientôt. Hugo? Gestion finance, c'est pour devenir comptable, non? Alors, Alors. oui, tu peux devenir comptable, tu peux devenir financier. Tu peux aussi faire des ressources humaines, enfin, ça ouvre beaucoup de portes, on va dire, mais en tout cas, moi, j'ai pas envie d'être comptable. D'accord. Toi, ce serait plus la finance du coup d'entreprise, par exemple? Oui, voilà, la finance d'entreprise, je pense. À la limite, peut-être en banque, mais plutôt finance d'entreprise, je pense. Tu peux par exemple aider des entreprises à placer leurs actifs, etc., pour optimiser Ouais. leur budget et tout. D'accord. Voilà, Eh par bien, exemple. ça doit être intéressant tout ça. Alors Oui. maintenant, Mathilde, merci à tous pour vos pas devinettes, mais propositions. Du coup, on va pouvoir passer à la rubrique suivante, la rubrique vrai-faux. Nous allons tester, Mathilde, tes connaissances beauté en matière de cheveux. Alors, première D'accord. question. Le scalp care, selon toi, Alors, plutôt, pardon. Est-ce que ce serait pour toi la peur de perdre ses cheveux? Vrai ou faux? Faux. Alors, faux, en effet. C'est quoi pour toi le scalp care? Ah, aucune idée. Je sais pas. En J'aurais dit une fait, matière, c'est mais... ouais. Une matière, d'accord. Non, en fait, c'est en deux mots, hein, c'est de l'anglais, peut-être que j'ai mal prononcé. C'est l'entretien de sa peau du crâne. Pour toi, c'était un autre mot quand je l'ai dit. Scalp care. Et du coup, ça vient, peut-être que tu avais écouté la dernière fois, c'était Nadia qui nous l'avait évoqué en commentaire. Ça vient en lien un peu avec le skincare qui est l'entretien de sa peau du D'accord. visage. Et là, on a le scalp care qui se développe beaucoup niveau tendance. Donc, je note que tu as eu bon pour la première question. Ensuite, la COVID causerait une chute des cheveux. Ah ouais? C'est vrai ou faux? Pardon. Ouais, je réalise. Je dirais que c'est Eh faux. bien, c'est vrai. Apparemment, un tiers des femmes touchées par la COVID auraient remarqué une chute des cheveux. Je sais pas si toi, tu l'as contracté. Oui, mais j'ai pas eu l'impression. Mais D'accord. Tu as peut-être trop de cheveux pour ouais. voir. Alors, donc, du coup, là, tu avais dit faux. Donc là, tu étais trompée. Les cheveux ont besoin de protéines, de vitamines, d'oligo-éléments et de minéraux. C'est vrai ou faux pour toi? Je pense que c'est vrai. En effet, bravo. Le cheveu est composé à 95% en fait de kératine et c'est notamment grâce aux protéines que la kératine va se former. Donc, c'est tous les éléments qui sont importants enfin, qui sont de toute façon naturellement obtenus, mais qu'on peut consommer davantage pour avoir de beaux cheveux. Donc, les vitamines, les oligo-éléments, les protéines. Et qui se trouve Donc. dans les oligo-éléments, par exemple, ça se trouve dans quoi? Dans quels Donc, éléments? les oligo-éléments, ça va être dans l'avocat, par exemple. Ah, ok, Si d'accord. je ne me trompe pas. Ou les huiles végétales, tu vois. D'accord, ouais, Tu sais ce que tu vas manger demain midi. Alors, ok. ensuite, la couche cuticulaire, ça correspond à la fibre du cheveu, son intérieur, en fait. C'est vrai ou faux encore? Tout à fait, oui, on n'est que sur du vrai faux, hein, pardon. Je dirais faux parce que les cuticules, c'est au niveau des ongles, mais je sais pas si c'est juste... Non, je dirais faux. Alors, bonne approche étymologique. Cuticule, en fait, sur l'ongle, c'est l'extérieur. Ouais. Et donc, pour le cheveu, c'est aussi l'extérieur, en fait. C'est Ah, le ok. revêtement du cheveu, ce qu'on voit finalement. Hop, D'accord. encore une bonne réponse. Ah, mais du coup, Question c'était 5. Ah oui, pardon, donc c'était je me trompe. Tu t'es trompé. Heureusement ah oui, super. que tu suis plus que moi. Excuse-moi. Ok. Bah, vas-y, donne-moi de points si tu veux. Hein. Ouais, c'est ça. Un cheveu en bonne santé, question 5, est brillant, vrai ou faux, Mathilde? Faux. Pour toi, il serait pas brillant, un cheveu en bonne santé, il Non, serait pour moi, terne. c'est... Non, pas terme, mais brillant, c'est pas le mot, quoi. Je sais pas. Ouais, bah en tout cas, c'est le mot qu'utilisent les marques parce que D'accord. la brillance, c'est le fait que la lumière se reflète en fait visuellement, qui a un effet reflet. Toi, tu penses peut-être à l'effet gras, Ah, peut-être de la racine ok. quand c'est Non, très non, je très. même pas. Bon, en Je sais tout pas. cas, du coup, c'est vrai, un cheveu en bonne santé est brillant. Et en fait, c'est vraiment le résultat que cherchent à obtenir les différentes marques de produits pour cheveux, de shampoings, etc. Elles essayent donc de régler le problème qui crée l'absence de brillance. Par exemple, tu vois, si tu as un cheveu terne, c'est peut-être qu'il y a un problème d'oxygénisation ou D'accord. oxygénation d'ailleurs du cheveu qui est un peu asphyxié. Et du coup, quand il est asphyxié, il n'est plus brillant. OK. Parce qu'il n'y a pas il y a pas d'échange avec l'oxygène de l'air autour, tu vois. Il est asphyxié. D'accord. Question 6. La phase anagène correspond à la phase du cheveu qui est en croissance dans une chevelure. Un cheveu sur 10 est dans cette phase anagène. Vrai ou faux, Mathilde? Vrai? Eh bien, c'est faux. Là, tu pensais que un cheveu sur 10 était en croissance, du coup. Un cheveu sur 10? Et les 9 autres sur 10, ils font quoi? Je crois que je sais pas si j'ai bien écouté. Là, voilà, la question c'était un cheveu sur 10, finalement, est en phase anagène, c'est-à-dire est en train de croître. Et non, c'est carrément 8 cheveux sur 10 qui sont en train de croître. Mais il y en a quand même deux qui ne croissent pas. Tout à fait. Ils ne sont plus en train de pousser. Ouais, c'est ça. Il y a 2 cheveux sur 10 qui sont en phase terminale ou entre deux cycles, tu vois. Si on ne se coupe pas les cheveux, leur longueur peut augmenter pardon, pendant 11 années maximum. Sinon, ça stagne après 11 années. Vrai ou faux? Je dirais faux. Bien, c'est faux. En fait, c'est pas 11 années, c'est entre 2 et 7 années maximum qu'un cheveu va pouvoir pousser avant de tomber et de laisser passer, de passer à la phase suivante, qui est la phase catagène. Et la phase catagène, c'est la phase de transition, donc elle dure 3 semaines, c'est avant que le cheveu ne chute. Et après, il y aura un nouveau cycle. Mais donc, un cheveu seul est donc finalement… La chevelure globale, bah, elle ne peut pas être plus longue que maximum, maximum, pour les plus chanceux, on va dire, 7 années de vie. Du coup, question suivante. Les cheveux gris sont dus à l'oxygénation de la mélanine, qui est au contact de l'oxygène et qui, elle, devient grise. Vrai ou faux, Mathilde? Je dirais vrai. Eh bien, c'est faux. Là. En fait, oui, ça sonne bien, hein, les propositions, Oui. c'est fait exprès. En fait, Oui. la couleur grise correspond à un mélange entre des cheveux complètement incolores, donc ce qu'on va appeler les Ah. cheveux blancs, alors que là, on parle des cheveux gris, et les cheveux qui ont encore de la mélanine. La mélanine, c'est elle qui colore, hein, le cheveu, ou la peau d'ailleurs, hein, c'est la molécule qui apporte de la couleur. Okay. Ensuite, c'est la surproduction d'hormones mâles qui va causer la chute des cheveux et non les hormones femelles. Vrai D'accord. ou faux? Ah Tu vas demain matin, tu vas faire n'importe quoi parce que tu aurais dit d'accord à tout. Attends, tu peux répéter, s'il te plaît? C'est la surproduction d'hormones mâles qui va causer la chute des cheveux et c'est pas la surproduction d'hormones femelles. Trop Ah. d'hormones mâles va faire perdre les cheveux, quoi. Faire Oui, elle est tomber les vraie. cheveux. Bien. Oui. En fait, du coup, c'est plutôt cohérent avec le fait que c'est plutôt les hommes qui perdent leurs cheveux, c'est pas les femmes. Oui, c'est vrai. Bah, c'est Donc, a exactement priori, c'est pour des hormones. Voilà, je sais, t'avais tout de suite compris la subtilité. En fait, c'est l'hormone appelée androgène, en l'occurrence, Oui. qui va causer la chute des cheveux, les calvities éventuellement. Et nous, les femmes, on en produit aussi, hein. Elle réduit, Oui, en fait, cette hormone, l'afflux de sang vers les follicules. Les follicules, c'est ce qui permet d'accord. aux cheveux de pousser. Et du coup, quand il n'y a pas de sang entre le enfin, qui arrive vers ce follicule, le cheveu est moins bien oxygéné, etc. Et il va tomber davantage. D'accord. Donc, c'était Okay. bon pour la question 9. On a une intervention de Juliette. En tout cas, Mathilde, j'aimerais pas trop être tes cheveux. Désolée. Tu voudrais peut-être être sa coiffeuse parce qu'apparemment, sa grande sœur ne fait pas l'affaire. Donc, à défaut d'être ses cheveux, si quelqu'un veut être coiffeur pour Mathilde. Il me semble que Mathilde était que pardon que Juliette était pas très Oui, en effet, Juliette, elle n'était pas au top. est toute nulle. Mais bon, ok. J'accepte. J'accepte sa remarque. C'est bien, tu avais bien, bien suivi pour voir que Juliette avait eu 4 sur 11 la dernière fois. Voilà, 4 sur 11. Question 10. En France, en 2018, en moyenne, 160 000 clients vont dans un salon de coiffure par jour. 160 000 clients en France vont chaque jour dans un salon de coiffure. Vrai ou faux? Alors, attends, on est combien? 65 millions. Ouais. 160 000, c'est quand même beaucoup, mais ça voudrait dire que. Réfléchir un peu, j'essaye de mettre à De profit calculer, les. j'avoue. dis ça, je veux dire. Moi, je dirais que je pense que c'est faux. Je pense qu'il y a encore plus de gens. Mais bon. Bien joué, Ouais. Mathilde. Tu as été forte en calcul. Il y a carrément 900 000 clients par jour dans Ah les ouais. salons de coiffure. C'est Bon, c'est énorme. énorme. Ouais. D'où la polémique que ça a créée là pendant tout, enfin le premier confinement notamment. C'est que c'est un, là c'est vraiment une activité très très très courante quoi pour les Français notamment. Et il y a 85 000 salons de coiffure en France. C'est en fait la deuxième activité artisanale derrière la maçonnerie, figure-toi. Donc 85 000 coiffeuses, Salon tu de as ça, coiffure. et 900 000 personnes qui y vont. Ouais. D'accord. Petit calcul mental, ça ferait Ouais, c'est une ça. dizaine de personnes chaque jour en moyenne dans un institut. Bah, Ouais. c'est plutôt cohérent. Et d'ailleurs, c'est Ouais, pas énorme, hein, parce que même un c'est institut avec une seule personne, bah énorme. oui, il faut Ouais, au c'est moins une personne tous les énorme. 3 quarts d'heure. Ouais. Et d'ailleurs, le chiffre annuel, chiffre d'affaires annuel moyen d'un salon, c'est 75 000 euros. D'accord, alors là, je ne me rends pas trop compte, mais ok. Voilà, pour info. Les petites infos, cheveux, mais économie, version économie. Avant-dernière question. Aux États-Unis, certaines marques de shampoing, masques, etc., conseillent d'appliquer le masque sur cheveux secs avant le shampoing. Vrai ou faux pour toi, Mathilde? Est-ce que tu peux répéter? Aux États-Unis, les Oui. marques conseillent d'appliquer le masque sur cheveux secs et avant le shampoing. Ah, d'accord. Bon, les vrais, ils sont un peu bizarres, donc ouais, vrai. Oui, tout à fait, c'est vrai, bien joué. Et figure-toi que j'ai essayé du coup, et en fait, c'est plutôt cohérent parce que quand on applique notre masque après le shampoing sur nos cheveux mouillés, il y a une énorme partie du produit qui est perdu, qui glisse et qui tombe dans la douche finalement. Et là, le fait de le faire sur cheveux secs, il n'y a pas l'intermédiaire des molécules d'eau, donc le cheveu absorbe beaucoup mieux, j'ai Oui, trouvé, ok. le produit. C'est l'argument qui est Bah, donné. Mais c'est vrai que j'ai ça change complètement de nos habitudes, demain. quoi. Ouais. Ouais. Dernière question. Ce qui permet au shampoing de sentir bon, c'est le sulfate. Vrai ou faux? En fait, ça n'a pas l'air de sortir bon, je dirais faux. Bien joué. Bien joué parce que, en fait, le sulfate, c'est ce qui va permettre de mousser. C'est un tensioactif, c'est-à-dire que c'est une molécule qui n'apporte rien aux cheveux en tant que soin, c'est pas un actif, mais elle va aider pour la forme du produit en fait. Elle va donc faire le lien entre le produit et l'eau et elle va mousser. Il y en a aussi dans les gels douche par exemple. Et le problème, c'est que les sulfates, c'est asséchant, c'est irritant et ça peut produire par exemple les pellicules sèches. Et du coup, il y a beaucoup de shampoings sans sulfate aujourd'hui et ils seraient meilleurs pour le cheveu. Mais il ne mousse pas. Ça va entre guillemets moins décaper ton cheveu, tu vois. Alors, D'accord. Juliette, qui était intéressée par tout J'ai ça une petite la semaine question. dernière. Est-ce que vous aurez des astuces pour lutter contre les cheveux gras? Alors, bah, du coup, dans cheveux gras, il peut y avoir la notion de pellicule aussi. Donc là, tu vois, tout ce qui est sulfate, ça va plutôt causer des cheveux trop secs. Après, on a les silicones qui eux aussi sont décriés en matière de composition de shampoing. Donc, eux, ce qui se passe, c'est que comme ils sont dérivés du pétrole, il n'y a rien qui passe au travers en fait du silicone de ton shampoing. Donc, ça permet que le shampoing, le cheveu pardon, soit gainé, tu vois, soit bien lisse, mais ça va un peu l'étouffer. Donc, ça peut aussi causer un cheveu un peu gras à la racine, notamment, parce que ça empêche la respiration du fait que le silicone est complètement imperméable. Donc, ça peut être une astuce de prendre un shampoing sans silicone. Et un dernier composant qui est un peu décrié, c'est tout ce qui est parabène, parce que c'est apparemment un perturbateur endocrinien, donc qui va jouer sur nos hormones. C'est utilisé comme conservateur, mais c'est pas top du coup pour le cheveu. Mais donc Juliette, ouais, je te conseille pourquoi pas d'essayer un shampoing sans silicone. Parallèlement, l'alimentation, on va en parler juste après, peut avoir un impact aussi sur les cheveux et les rendre un peu gras. Donc là, pour tout ce qui est notamment pellicule grasse, du coup. Alors, juste pour quand même dire à Mathilde combien elle a eu par rapport à toi, d'ailleurs, Juliette, justement. Ah bah oui. Une, deux, trois, 4, 5, 6. Alors là, on avait 12 questions, mais on a atteint la moyenne, 6 sur 12, quand D'accord, Juliette, tu avais 4 record à battre. sur 11. Ouais, j'avoue, record à battre pour notre prochaine invitée, si quelqu'un est intéressé. Donc, on avait Léa Carbo qui s'était proposée, donc que je recevrai dimanche d'ailleurs. Alors, du coup, t'as appris des choses, Mathilde? Oui, j'ai appris, qu'est-ce que j'ai appris? Le chiffre d'affaires des campeurs. Ouais, le fait que tu Et, peux faire ton masque en début de douche oui, aussi, finalement. je vais essayer de faire ça. Et après, les autres, j'ai un peu oublié, mais je m'en souviendrai Tu en pourras temps voulu. réécouter ce podcast. Voilà. En tout cas, niveau source pour ces données, j'ai utilisé le site de Elle, le site de Schwarzkopf, Okay. la marque, UNEC également, Avis Info et Eculove. Alors maintenant, je D'accord. voudrais que dans Beauté imaginée, on fasse une petite rubrique, la belle minute scientifique. Je ne sais pas si tu te souviens, Mathilde, la dernière fois, on avait Alexandre qui avait aimé le rapport entre alimentation et beauté. Donc aujourd'hui, Ah la question à laquelle je veux partiellement répondre, c'est l'influence du coup justement de l'alimentation sur nos cheveux. Et on va au passage répondre à Juliette comme ça. Le poisson gras, déjà, ça peut aider à fortifier les cheveux parce qu'il est plein d'oméga-3. Bah, du coup. oui. On en parlait tout à l'heure. Je crois qu'il y en a aussi dans l'avocat. J'espère que. Ah non, c'était l'oligo-élément, pardon. Si je ne me trompe pas, il faudra que je vérifie ça pour l'avocat. Et pour le poisson gras, du coup, ça, c'est très bon pour fortifier les cheveux. Donc, le thon, le maquereau, le saumon. On a la vitamine B8 aussi qui va être assez bénéfique parce qu'elle va stimuler les échanges au niveau du cuir chevelu et elle va donc accélérer la poussée du cheveu. Donc, c'est présent dans tout ce qui est abats, mais aussi dans les légumineuses ou les fruits à coque. Et là, réponse à Juliette, l'excès de produits à base de graisse saturée et de glucides raffinés, ça va provoquer une surproduction de sébum sur le visage déjà, mais aussi au niveau du crâne. Donc, d'où l'importance de faire attention à ça parce que ça peut causer les cheveux gras et parfois des pellicules grasses. Et parallèlement, ça va aussi causer une croissance de cheveux un peu, enfin, moins bonne. Ils vont être un peu plus cassants, en fait, les cheveux après ce type d'alimentation. Donc, il faut limiter ton sucre et ton apport en graisse, du coup, que je ne me trompe pas de terme, en graisse, attention, saturée. Parce que tout ce qui est graisse insaturée, c'est plutôt positif parce qu'il y a des réactions en fait qui vont pouvoir se faire avec enfin, chimiquement, alors que quand une graisse est saturée, il y a plus d'échanges qui se font. Voilà, Juliette, j'espère que tu pourras mettre en application On espère que tu n'auras ces plus les cheveux petits conseils. Voilà, du coup. gras. C'est sûr que c'est du coup un peu sous-entendu, à moins qu'elle ait quelqu'un à qui conseiller tout ça. Hein. C'était peut-être pour ça que Juliette a posé cette question. Bon, bah, c'est bientôt la fin de notre live stéréo sur Beauté Imaginée. Pour finir, Mathilde, j'ai deux questions. Quel thème, toi, tu voudrais que j'aborde avec la prochaine invitée, en l'occurrence Léa Carbo, dimanche? Je réfléchis. Peut-être que ça changerait un peu des cheveux, les imperfections de peau et enfin les Ouais. l'acné, tout ça, je sais pas. D'accord, tout ce qui est un peu problème de peau finalement. Voilà. D'accord, ouais. Ok. En fait, tu as essayé de préparer le terrain pour dire que c'est pas un problème que tu as en Non, disant que pour tu moi, voulais changer. ça va, c'est... En Mais plus, c'est vrai que là, ça peut forcément... intéresser, j'avoue. Ouais, carrément. Et pour le prochain live, toujours, est-ce qu'il y a un mécanisme cosmétique? Cosmétologique ou une réaction, tu vois, de la peau à un produit que tu aimerais mieux comprendre pour ma prochaine rubrique, la belle minute scientifique. Je sais pas si ça rentre dedans, mais par exemple, quand on... On m'a déjà conseillé de faire un gommage après, c'est quoi déjà? Après avoir exfolié la peau, que je... non, je sais plus, mais de faire, en gros, j'avais compris que je faisais le gommage dans le mauvais sens D'accord. avant. Avant le masque ou après le gel douche, c'est ça? Enfin, Oui, c'est par voilà, rapport à quel des trucs comme produit? ça. Et du coup, en plus, ça rentrerait un peu dans le thème pour les J'avoue, du masques sans pour le visage. visage. Ouais. D'accord. Savoir vraiment comment fonctionne l'exfoliation et le masque Oui, voilà. ensuite, c'est ça? Ok, Voilà, voilà. ouais, intéressant. Surtout qu'il existe plusieurs types d'exfoliation. Ah oui. Ouais. Ok, top. Bah, merci. J'espère que ça plaira à Léa Carbo. Oui. Bon, bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur Beauté imaginée. Merci beaucoup, Mathilde, de m'avoir accompagnée et répondu. Merci aussi, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Merci à tous de m'avoir imaginé J'avoue. et je viendrai au prochain live. Ah bah avec plaisir Mathilde, c'est une bonne phrase ça. Je pense que je vais réutiliser cette phrase en conclusion. Merci à tous d'avoir imaginé Mathilde, notre belle Mathilde. Et en tout cas, si pour mon prochain, tu as peur d'avoir donné une image peu flatteuse. Ah, Non, il tu es très belle Mathilde, je te connais en vrai. Je te trouve très belle. Si y a pour mon prochain live, vous avez une idée de question beauté décalée, pourquoi pas à poser à mon invité, n'hésitez pas. Et si vous voulez un soir être mon invité, faites-moi signe. Vous pouvez notamment me contacter sur mon Instagram, beauté imaginée, sans accent. À bientôt pour un prochain live sur Stéréo de beauté imaginée. Salut Au Mathilde, à revoir. bientôt.